إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ce soir la lecture et l'explication des invocations du matin et du soir mentionnées par le Cheikh Saïd ibn Ali al-Qahtani rahimahullah ta'ala dans son célèbre livre intitulé La citadelle du musulman. Et nous en sommes aujourd'hui à la 8e invocation prophétique qu'il a mentionné dans cet ouvrage et qui est l'invocation qui commence par Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyata fid dunya wal'akhirah. Ô Allah, je te demande le pardon et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'auteur, rahimahullah ta'ala, nous dit que cette invocation est rapportée par l'imam Abu Daoud et d'autres dans un hadith authentifié par l'imam Al-Albani rahimahumullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait jamais cette invocation et qu'il y était assidu matin et soir. Et ceci nous démontre que cette invocation est d'une grande importance, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas. Il ne convient donc pas que le musulman se prive de la prononciation de cette invocation matin et soir, mais il convient plutôt de suivre notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être assidu à la prononciation de cette invocation, car elle contient, comme on va le voir, plusieurs demandes qui réunissent pour toi le bien de ce bas monde et de l'au-delà. Et elle comprend de nombreux enseignements, comme on va le voir à travers l'explication du sens de chacune de ces phrases, Inch'Allah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait donc cette invocation en disant Allahumma inni as'aluka al'afwa wal'afiyata fid dunya wal'akhirah. Ô Allah, je te demande le pardon et le salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Tu commences donc par implorer Allah subhanahu wa ta'ala en disant Allahumma. Et on a vu que c'est une manière de l'invoquer par l'ensemble de ses noms. Et tu lui demandes ici de t'accorder deux choses. La première, c'est al-afwa, que l'on a traduit par le pardon. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, de couvrir tes péchés et de les effacer. La deuxième chose que tu demandes, c'est al-afiya, que l'on a traduit par le salut, et qui désigne le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala sauve son serviteur et le préserve de tout mal. C'est donc une façon de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver de tout trouble, apparent ou caché, qui pourrait te conduire à l'égarement, mais aussi de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir ton cœur, afin que tu sois préservé de tout mal et de tout péché, mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve de tout ce qui pourrait te nuire, et il a précisé, dans ce bas monde et dans l'au-delà. Dans ce bas monde, c'est-à-dire en te mettant à l'abri et en te préservant des épreuves et des maladies qui peuvent atteindre le serviteur, mais aussi en te préservant des péchés et des mauvaises actions qui sont la cause de tout malheur qui atteint le serviteur. Et tu lui demandes aussi de t'accorder le salut dans l'au-delà, en te préservant du châtiment de la tombe, des frayeurs du jour de la résurrection, et de tout châtiment que tu pourrais subir en enfer. Et ceci en réalité ne vient que confirmer la demande précédente. Car si Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde al-afwa, le pardon, qu'il te pardonne tes péchés et les efface, alors tu obtiendras forcément le salut dans l'au-delà et tu seras préservé bi'inillahi ta'ala de tout châtiment. Tu vois donc que cette première phrase est déjà une demande très large et très immense. Il ne fait aucun doute que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde le pardon et le salut ici-bas et dans l'au-delà, il lui aura alors certes accordé un don immense et un grand bienfait. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, comme cela est rapporté dans un autre hadith, Demandez à Allah le pardon et le salut. Car en dehors de la certitude, nul ne se voit accorder une chose meilleure que le salut. Celui qui obtient le salut ici-bas et dans l'au-delà, il a certes obtenu tout bien. Bi'inillahi ta'ala. Ensuite, après cette demande générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam adressait une demande plus particulière et il demandait le pardon encore, mais aussi le salut dans quatre choses. Et il disait Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyai wa ahli wa mali. Ô Allah, je te demande le pardon et le salut fi dini dans ma religion, wa dunyai dans ma vie mondaine, wa ahli dans ma famille, wa mali et dans mes biens. Une fois de plus, tu vois que c'est une autre demande immense qui est adressée ici à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont ceux parmi nous à méditer et à être conscients de l'importance de cette invocation lorsqu'on la prononce? Il est important de nous rappeler une fois de plus la nécessité de prononcer ces invocations d'un cœur présent. Ne pas prononcer ces mots sans réfléchir sur leur sens. Car si tu prononces cette invocation d'un cœur distrait, d'un cœur inattentif, il est possible que tu ne tires pas profit de cette invocation et qu'elle ne soit pas exaucée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith authentique « Invoquez Allah en ayant la certitude d'être exaucé. Et sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait. » Ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait. Un cœur qui est absent. La langue invoque, mais le cœur n'est pas présent. La personne ne sait même pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle prononce. Elle ne réfléchit pas sur le sens de la demande qu'elle adresse à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc nécessaire que ton cœur soit présent lorsque tu prononces cette invocation et que tu adresses ces demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, afin que ces demandes soient exaucées et que tu en tires profit. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon, comme on a vu, que tes péchés soient couverts et effacés, et le salut dans quatre choses. La première, dans ta religion. Et ce, en te raffermissant sur la mise en pratique de cette religion. En te raffermissant sur le tawhid et sur la sunna. En te préservant de toute déviance, de tout égarement, et de toute chose s'opposant au tawhid et à la sunna, parmi les différentes formes de shirk, de polythéisme, majeur ou mineur, ainsi que les différentes innovations en religion, mais aussi des péchés et des mauvaises actions. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le salut dans ta religion, et cela englobe le fait de te préserver de tout cela, de tout ce qui s'oppose à la religion. Et c'est aussi une façon de demander à être préservé du délaissement de tes obligations religieuses, quelles qu'elles soient. Car celui qui délaisse ses obligations religieuses, qui délaisse ses prières, ou qui délaisse la zakat, ou qui délaisse le jeûne obligatoire, et ainsi de suite, alors celui-ci n'a pas été préservé dans sa religion. Mais il a des manquements. Des manquements qui lui incombent de corriger. Et il doit se réformer. Donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver dans ta religion, mais tu fais aussi des efforts de ton côté pour préserver ta religion. La mettre en pratique. Ne pas la mettre en danger. Et ne pas la délaisser. Et celui qui obtient le salut dans sa religion, il ne fait aucun doute qu'il obtiendra la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et c'est pour cela que c'est la première de ces quatre choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici. Avant la vie mondaine, avant la famille, avant les biens. Car celui qui perd sa religion, il a tout perdu. Même si c'est le plus riche des hommes, même s'il est en bonne santé, qu'il a une grande famille et de nombreux proches et de nombreuses richesses, s'il n'a pas de religion, il n'a rien en réalité. C'est la chose la plus capitale que tu possèdes, ta religion. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le salut en celle-ci. Et tu fais les causes pour la préserver, pour rester ferme sur celle-ci et pour ne pas mettre en danger ta religion. Et tu ne fais aucune concession au sujet de ta pratique religieuse, quelles que soient les difficultés que tu puisses rencontrer. La deuxième chose dans laquelle tu demandes le salut est ta vie mondaine. C'est-à-dire que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver des épreuves, de te préserver des maladies, de te préserver des tristesses et des ennuis, ainsi que de toute chose qui pourrait te nuire ou te préoccuper dans tes affaires mondaines. Il est important de comprendre que l'objectif de cette demande n'est pas simplement de pouvoir jouir d'une bonne santé et d'une vie sans aucun problème et sans aucun désagrément. Mais ce qui est visé par le croyant derrière cette demande est d'être préservé de toutes ces choses nuisibles, les maladies, les tristesses et ainsi de suite, car celles-ci pourraient préoccuper ton cœur au point de le détourner du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'accomplissement des bonnes actions. Vous savez, lorsqu'une personne est éprouvée, elle a souvent le cœur préoccupé par cette épreuve. Elle y pense du matin au soir. Et ses pensées la détournent du rappel d'Allah. Il se peut même qu'elle en oublie de faire certaines bonnes actions surérogatoires qu'elle avait l'habitude d'accomplir. Ou alors elle les accomplit avec certains manquements, avec un cœur distrait, et ainsi de suite. C'est pour cela que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le salut dans ta vie mondaine, afin que ton cœur ne soit pas préoccupé et que tu ne te détournes pas du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'accomplissement du bien et des bonnes actions. La troisième chose est que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le salut dans ta famille, c'est-à-dire que tu lui demandes de préserver ta famille, ton épouse, tes enfants, tes parents, tes frères et sœurs et autres parmi tes proches parents. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder le salut et de les préserver de tout mal, de toute épreuve et de tout méfait apparent ou caché, que ce soit dans leurs affaires mondaines ou dans leurs affaires religieuses. Et de la même manière qu'il est important pour le musulman d'invoquer pour que sa famille soit préservée, il est aussi d'une grande importance qu'il accomplisse certaines causes afin que sa famille soit préservée, en leur procurant un logement dans lequel ils seront à l'abri de tout mal, parmi les choses nuisibles qui pourraient les atteindre, mais aussi en leur renseignant ou en leur permettant d'apprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en leur ordonnant de la mettre en pratique, en leur commandant le bien et en leur interdisant le mal, afin qu'ils soient préservés de tout ce qui pourrait être la cause de leur égarement et de leur malheur ici-bas et dans l'au-delà. Et pour cela, il convient au chef de foyer d'offrir à sa famille un cadre propice à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pas faire entrer dans son foyer des choses qui pourraient être la cause de l'égarement de son épouse ou de l'égarement de ses enfants, à l'exemple de ses écrans de télévision, d'ordinateur, de téléphone, de tablette ou autre. Ne pas leur laisser accès à ces choses qui pourraient être la cause de leur égarement. Mais si ces appareils doivent être utilisés, qu'ils ne soient utilisés que dans le bien et dans les bonnes actions, dans les choses utiles pour leur vie mondaine, et en priorité pour les choses utiles dans leur religion, comme l'apprentissage de la science profitable. Et ceci fait partie des choses qui incombent à tout chef de foyer, d'offrir à sa famille un cadre propice à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et à les préserver de toutes choses pouvant les mener au péché et aux mauvaises actions. Et entre dans cela également le fait de préserver sa famille en les faisant vivre dans un environnement et un pays propice également à la mise en pratique de cette religion. Ne pas les laisser en danger au milieu des polythéistes et des mécréants, car le fait d'évoluer et de grandir dans un tel environnement pourrait être la cause de l'anéantissement et de la perdition de la personne, ainsi que de sa famille, de son épouse et de ses enfants, ul'iyadu billah. Et c'est pour cela qu'il est d'une grande importance, surtout à notre époque, pour tout musulman vivant parmi les polythéistes, de penser à la hijra, à l'émigration, le fait de quitter la terre de mécréance pour une terre d'islam, afin de fuir avec sa religion, pour se rendre dans un endroit où il pourra mettre en pratique sa religion comme il se doit, sans aucune contrainte, sans avoir besoin de faire une quelconque concession ou autre. Mais il pourra vivre fier et honoré parmi ses frères et sœurs en religion. Et ceci est une des causes les plus immenses par lesquelles tu vas protéger ta famille et tous ceux qui sont sous ta responsabilité. Donc on a dit que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder le salut dans ta religion, dans ta vie mondaine, dans ta famille, et la quatrième chose, dans tes biens, en préservant pour toi tes biens, afin qu'ils ne soient pas perdus, qu'ils ne soient pas détruits ou qu'ils ne soient pas volés, mais aussi en préservant pour toi tes biens, en te permettant de ne pas les dépenser si ce n'est dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est très important. Car l'objectif n'est pas d'obtenir la préservation de ses biens seulement pour pouvoir préserver ses richesses et les réunir et les rassembler. Mais l'objectif est que ces biens soient préservés afin de pouvoir les dépenser d'une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, à commencer par les dépenses obligatoires, le versement de la zakat, qui est le troisième pilier de notre religion et qui est malheureusement négligé par nombre de musulmans aujourd'hui. Également parmi les dépenses obligatoires, le fait de subvenir aux besoins de ceux qui sont à ta charge, parmi les épouses, les enfants, ou dans certaines situations, les parents, les frères et sœurs, et ainsi de suite. Ceci fait partie des dépenses obligatoires, au sujet desquelles tu seras interrogé. Et également, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver tes biens afin de pouvoir te rapprocher de lui par toutes sortes d'aumônes surrogatoires que tu dépenses sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala par espoir d'obtenir sa récompense et son agrément. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans cette invocation « Allahumma stur awrati wa amin rawati. Ô Allah, cache mes défauts et mets-moi à l'abri de mes frayeurs. » Le mot « awrat » que l'on a traduit ici par « défaut » est en arabe le pluriel de « awra » qui désigne, de manière générale, tout ce que l'homme aurait honte de voir découvert. Donc, entre de cela, sa nudité qu'il doit couvrir, mais également tous ses péchés, tous ses manquements, toutes les choses qu'il est possible qu'il commette lorsqu'il est seul ou lorsqu'il est dans son foyer et qu'il aurait honte et il serait gêné que celle-ci soit découverte par les gens. Nombre de personnes, lorsqu'elles sont chez elles ont un certain comportement qu'elles n'ont pas lorsqu'elles se trouvent avec les gens dehors. Et ça, c'est une chose malheureuse qu'on peut observer aujourd'hui. Certains de nos frères qui, lorsqu'ils sont avec leurs amis, sont les plus souriants des gens, les plus généreux, les plus agréables. Ils sont de bonne compagnie. Puis lorsqu'ils sont chez eux, auprès de leur épouse, auprès de leurs enfants, ou auprès de leurs parents, auprès de leurs frères et sœurs, ils sont parmi les gens les plus rudes, ceux aux comportements les plus mauvais. Lorsqu'ils parlent, ils prononcent des paroles blessantes. Ils parlent de manière vulgaire. Ou alors ils prononcent des propos déplaisants, des propos désagréables à entendre, des paroles blessantes. Lorsqu'il est avec ses amis, il est généreux, il n'hésite pas à dépenser son argent, à leur offrir à manger. Mais lorsque les gens de son foyer lui font part de certaines choses dont ils ont besoin, parmi les choses nécessaires, il fait preuve d'avarice et examine chacune de leurs demandes et de leurs dépenses au Allah Musta'an. Donc toutes ces choses, bien souvent, ce sont des choses qui sont cachées. Seuls les gens du foyer en ont connaissance. Et les gens dehors, ils ont une bonne image de cette personne. Celui-ci, c'est un frère, masha'Allah, au bon comportement. Donc l'homme, ces péchés-là desquels il doit se repentir, et qui lui incombe de délaisser, et pour lesquels il doit se corriger, il n'aimerait pas qu'il soit dévoilé aux yeux de tous. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de cacher tes défauts. Allahumma stur awrati. Et ceci est une manière de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de couvrir tous tes défauts, tous tes manquements et tous tes péchés, mais aussi de te faciliter la voie vers le repentir, afin que ces péchés ne soient pas la cause de ton humiliation et de ta perdition ici-bas ou dans l'au-delà. Et la aura, comme on a dit, elle désigne aussi les parties du corps qui doivent être couvertes. Et ceci est donc une manière de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder de quoi pouvoir couvrir notre aura et qu'elle ne soit pas découverte, mais également de nous accorder la pudeur et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permettant de ne pas dévoiler notre aura devant les gens. Et la aura de l'homme, elle consiste à ce qu'il soit couvert du nombril aux genoux, nombril et genoux inclus. Quant à la aura de la femme, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans le hadith, c'est l'ensemble de son corps. Car il a dit la femme tout entière est aura. Elle doit entièrement être couverte de son voile légiféré lorsqu'elle est amenée à sortir pour un besoin ou une nécessité. Tu dis donc, ô Allah, cache mes défauts, ustur aurati wa amin rawati, et mets-moi à l'abri de mes frayeurs. c'est-à-dire protège-moi de toute crainte et de toute frayeur, parmi les épreuves de ce bas monde, les accidents, la perte d'un proche qui peut être douloureuse, et autre chose parmi les frayeurs qui peuvent atteindre le serviteur dans ce bas monde. Mets-moi à l'abri de mes frayeurs, parmi les frayeurs d'ici-bas, mais aussi les frayeurs de l'au-delà, comme les frayeurs du jour de la résurrection, au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna zalzalata sa'ati shay'un azim » Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible, une chose immense. « Yawma taraunaha tadhalu kullu mordi'atin amma arda'at » Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. « Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha » Et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ Mais le châtiment d'Allah est dur. Donc dans cette invocation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te mettre à l'abri des frayeurs de ce jour, le jour de la résurrection. Ce jour si terrible, comme vous l'avez entendu, qu'il fera que toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait. Vous savez l'amour d'une mère pour son enfant, et comment elle est attachée à lui, surtout lorsqu'il est en bas âge et qu'elle l'allaite. Malgré cela, lorsque viendra le séisme de l'heure, elle l'oubliera. Et toute femme enceinte avortera, toute femelle de manière générale, même parmi les animaux. Et les gens seront comme ivres, en raison de la dureté du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver des frayeurs de ce jour-là. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans cette invocation « Allahumma ahfadhni min bayni yaday »« Ô Allah, protège-moi par devant »« wa min khalfi »« par derrière »« wa an yamini »« sur ma droite »« wa an shimali »« sur ma gauche »« wa min fawqi » »« et au-dessus de moi » وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنُخْتَالَ مِنْ تَحْتِي Et je cherche refuge auprès de ton immensité contre le fait d'être pris par surprise en dessous de moi. Étant donné que nul parmi nous ne sait de quelle direction pourrait provenir ce qui pourrait être la cause de sa perte et de son anéantissement. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de te protéger de toutes parts, afin qu'aucun mal, quel qu'il soit, ne puisse t'atteindre, mais aussi afin que le diable ne puisse pas trouver de voie menant à ton cœur, par laquelle il pourrait t'atteindre et t'enjoliver le mal et t'écarter du droit chemin. Car le diable a dit « ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Puis je viendrai certes à eux, de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Le diable déploie donc tous ses efforts pour écarter l'enfant d'Adam du droit chemin, pour lui enjoliver les voies du mal, et il l'attaque par tous côtés. Tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, par devant, par derrière, sur ta droite, sur ta gauche, au-dessus de toi. Et tu cherches refuge auprès de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le fait d'être pris par surprise en dessous de toi. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala d'être préservé d'un châtiment qui pourrait venir par surprise, de te préserver d'être enseveli comme Qarun a été enseveli, ou d'être noyé comme Fir'aun a été noyé, ou d'être touché par une chose, quelle qu'elle soit, qui pourrait être la cause de ta mort comme un accident de la route, ou une chose qui tomberait sur toi, et ainsi de suite. Tout ceci est compris dans la généralité de cette demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala dans cette invocation. Voyez donc, mes frères et sœurs, que les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des invocations succinctes. En quelques mots, il adressait des demandes très larges à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que lorsque le musulman souhaite invoquer son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il lui convient en priorité de l'invoquer par les demandes par lesquelles l'invoquait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, car ce sont les meilleures des invocations. Et parmi ces invocations, cette invocation immense à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, était assidu matin et soir. Il convient donc à chacun d'entre nous de veiller à prononcer cette invocation de manière assidue, quotidiennement, lors des adhkars du matin et du soir. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra les prochaines invocations lors des cours suivants, Inch'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa alhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayraa.